Si j'en ai plus pour longtemps, j'accepte. J'avais trop peur de la mort, maintenant je danse avec. Le cœur dans une main, dans l'autre un cran d'arrêt. Mais je suis dans ma tête, sans arrêt. Ça va pas bien du tout, faut être honnête. Faut que je tire la prise et que je déconnecte. Le cœur en miettes, âme en peine, on se reconnaît. J'écoute plus la sirène et ses promesses. Dis-moi pourquoi cet instant m'échappe. En dessous de mes pieds sont mouvants les sables. Elle m'a souri tout en lâchant l'écharpe. Elle veut quelqu'un de vaillant et stable. Ici le plus faible il est juste mort. Et tu peux voir ma souffrance, gros je l'ai sur le corps. J'ai essayé de faire le bien, j'ai fait plus de tort. Et ma dépression fera jamais le disque d'or. C'est pas moi, c'est l'autre en moi qui règne. Si ma vie c'est un film, gros c'est shame. J'attends que le ciel s'éteigne. Personne comprend que j'écrive ou que je peigne. Je me souviens que je suis humain quand je saigne. J'ai eu beau crier mon frère, on m'entend pas. C'est comme si le monde est de l'autre côté du rempart. Seul dans ma chambre d'hôtel à 1300 balles, je m'imagine enjamber la rambarde. Et à tous mes proches, je vous jure que j'essaie. Mais tous les jours un peu plus, je décède. Tes beaux yeux me font plus d'effet. Ce qui est fait est fait. Et je sais que j'ai souvent l'air absent. L'œil dans le vide, je vais compter jusqu'à 100. J'ai trop été patient. Faire le guerrier, c'est devenu lassant. Et maintenant, il me reste que de la cendre. Le regard est taché par la migraine. J'ai fait un métier de décevoir ceux qui m'aiment. Encore un verre, c'est pour pas que je me souvienne. Et pour faire taire l'acouphène. Si un jour je passe à l'acte, faudra pas faire les étonnés. J'ai ouvert mon cœur, ils l'ont bétonné. C'est ce que j'avais de plus cher, ce que je leur ai donné. J'ai fait ce que j'ai pu, je suis pas désolé. Le soleil qui brille, c'est pas pour moi. Son éclat est sournois, il me rappelle qu'au fond de moi c'est tout noir. Nique sa mère, je serai toujours le dernier du tournoi. J'ai tout raté, ça c'est tout moi.